Vous êtes à Cifou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Mathieu Plante un petit peu plus tard au téléphone avec nous. Et sinon, eh bien, ce sera moi. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce lundi 10 avril 2017. À 17 jours avant la fin de l'année scolaire, il en reste vraiment plus long. Donc, tenez bon, c'est la fin de session qui commence. Plusieurs chroniqueurs sont justement en fin de session. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, il n'y aura que Mathieu Plante au téléphone et moi-même à l'antenne de l'émission. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin et comme je le disais, eh bien, un petit peu plus tard au téléphone, ça sera la chronique habituelle de Mathieu Plante, celle où on prend un petit peu de ses nouvelles et où on jase un petit peu de pas mal n'importe quoi, je vous dirais. Donc, ça devrait se passer vers les 9h, 9h15. Et sinon, pour ce qui est de nous, eh bien, à l'antenne ce matin, on va faire un petit retour sur l'actualité. Alors, tout ce qui a retenu mon attention durant la dernière fin de semaine, aussi durant la dernière semaine. On va vraiment jouer dans n'importe quel domaine cette semaine, en ce lundi. On va faire le retour sur pas mal de choses, vous allez voir. Sinon aussi, on va parler un petit peu de télévision parce que cette fin de semaine, j'ai eu la chance de faire quelques découvertes qui, ma foi, je sens vont probablement vous plaire. Et sinon, eh bien, un petit peu plus tard, on va parler aussi d'un phénomène qui pourrait être qualifié de phénomène social maintenant. Ça fait quelques reprises qu'on en entend parler. Je vais vous laisser comme ça en haleine sur savoir qu'est-ce qu'on va discuter un petit peu plus tard. Mais c'est sûr et certain que si vous sentez interpellé par le féminisme et tout ce qui touche à ça, eh bien, vous allez probablement vouloir rester à l'antenne pour savoir de quoi je vais parler exactement. Mais avant tout ça, eh bien, je me suis dit pourquoi pas commencer l'émission encore une fois, comme à chaque bon matin, avec un petit peu de musique, parce que contrairement à la semaine dernière, cette semaine, on a quand même un petit peu de soleil. Donc, ça part bien notre semaine, ça part bien notre lundi matin. Alors, on va aller écouter On Hold avec The Excess et au retour, actualité. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit it. could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. On hold the excess ce matin à Sifu, assemblage requis ensemble pour les deux prochaines heures. J'ai l'impression que malgré le fait qu'il va y avoir simplement moi ou Mathieu Plante, ça va quand même être une émission bien remplie, donc restez avec nous. J'espère que vous avez votre café comme à chaque bon matin. Sinon, moi, j'en ai pas encore eu. Ça devrait être intéressant à voir. Je crois que c'est le premier matin où je vais animer tout ça sans même avoir une goutte de caféine dans le corps. Donc restez à l'écoute, vous allez voir. Vous allez pouvoir me donner vos commentaires, bien évidemment, sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Savoir aussi si vous avez des suggestions, tout simplement, pour des sujets de chronique ou peu importe. Surtout, allez faire un tour sur la page Facebook et aussi sur le site Internet assemblagerequis.com si vous voulez savoir tout ce qui se passe du côté des trames sonores de l'émission ou encore si jamais vous avez manqué certaines émissions, si vous voulez voir le plan aussi des émissions, eh bien, tout se passe sur le site Internet. Voilà. C'est maintenant le temps de discuter un petit peu actualité, alors j'espère que vous êtes prêts. Mais un petit peu plus tôt, cette fin de semaine, j'ai su que le Canada avait fait parler quand même un petit peu partout pour les déclarations de revenus. Vous savez, là, on est pas mal dans la période des impôts, on doit faire justement nos papiers, on doit envoyer tout ça. Eh bien, sachez qu'il y a seulement 11 millions de Canadiens qui ont produit leur déclaration de revenus présentement. Donc, les contribuables canadiens semblent pas nécessairement être pressés de transmettre justement leur déclaration fédérale de revenus. Et à ce jour, il y a seulement 11 millions de déclarations qui ont été reçues par l'Agence du revenu du Canada, sur un total quand même qui est prévu de 29 millions. Donc, c'est 38 % des contribuables qui l'ont fait parvenir. Et selon la porte-parole de l'agence, Julie Pronovo, il ne faut pas s'en étonner puisque cette situation-là se répète quand même depuis quelques années. Les Canadiens ont tendance à attendre à la dernière minute. Tu sais, quand on dit « remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui », bien, je crois que faut que je lève la main aussi. Je suis une des premières qui fait ça en termes de justement déclaration de revenus. Alors, cette année, les contribuables ont jusqu'au 1er mai à minuit pour justement faire parvenir leur déclaration d'impôt. Le 30 avril tombant, c'est un dimanche, donc il y a des pénalités qui vont être prévues pour les retardataires. Et l'agence souligne que 89 % des contribuables vont transmettre leur déclaration, oui, par voie électronique cette année, et c'est 5 % de plus que l'année dernière. Donc, ces personnes-là vont obtenir en fait leur remboursement, si c'est le cas, beaucoup plus rapidement que ceux qui vont envoyer le tout papier. Donc, pensez-y quand même. Mais je vous dirais que moi aussi, je suis un petit peu sceptique à tout savoir ce que l'on peut envoyer de façon électronique. Même si on va, je vais le dire, là, même si on va au guichet maintenant, que ce soit à la Banque nationale, que ce soit chez Desjardins ou peu importe, la plupart du temps, si vous allez au comptoir, vous allez pouvoir vous faire répondre « Ah oui, mais tu peux très bien faire ça par Internet. Oui, mais ça me tente pas. j'ai le goût d'aller voir quelqu'un pour faire mes choses. Est-ce que je peux le faire comme ça, s'il vous plaît? J'ai confiance en vous, autre plus que mon ordinateur. Me semble c'est clair, mais il semblerait que c'est plus comme ça que ça fonctionne. Alors, 5% de plus que l'année dernière pour ceux qui vont faire leur déclaration de revenus sur Internet. Et de cette façon-là, eh bien, semblerait qu'on va pouvoir recevoir justement notre remboursement beaucoup plus rapidement. Ça mène quand même à la réflexion à savoir si on veut le faire papier ou si on veut le faire électronique. Je vous laisse tout simplement à votre propre déduction sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez parler encore une fois du Québec, parlons-en, que ce soit du Canada ou peu importe, eh bien récemment, on a entendu beaucoup parler de Bombardier et certains de leurs problèmes financiers et de leurs problèmes gouvernementaux. Surtout, leur cote de popularité auprès de la population n'est pas très, très haut. Alors, on parle de F-List, en fait, qui est un des fournisseurs de Bombardier, qui lui dit pouvoir créer 100 emplois à Montréal. Donc, on parle d'une entreprise qui est autrichienne, mais qui est spécialisée dans les intérieurs d'avions d'affaires. Et on a choisi la région de Montréal comme tête de pont au Canada et aux États-Unis. Donc, on a annoncé un petit peu plus tôt cette fin de semaine la construction d'une nouvelle usine qui engagera 100 emplois d'ici 2020. Et pour connaître le succès en Amérique du Nord, eh bien, apparemment, il faut être présent sur le continent. Et c'est ce qu'a affirmé le PDG de l'entreprise familiale, Michael Groves. Et c'est un gros pas en avant pour la compagnie qui est F-List. On parle d'investir plus de 20 millions pour mettre sur pied ce qui va être la première usine à l'extérieur de l'Autriche. Et l'endroit précis n'a pas encore été choisi, mais on sait que ça va être dans les alentours de Montréal. Donc, dans les deux installations existantes, on parle de celle de Thomasberg à une heure de de Vienne. La F-List, elle, fabrique des armoires, des surfaces de comptoir et des revêtements de sol qui sont spécialement conçus pour les avions d'affaires. Et on a aussi mis sur point un plaquage de granit d'une épaisseur de moins de 1 mm, ce qui permet de créer en fait des lavabos qui vont être extrêmement luxueux, mais qui vont quand même respecter les strictes contraintes pour le poids des avions. Et les produits de F-List sont installés par exemple dans les Challenger 300 et dans les Global 6000 de Bombardier. Et les jets d'affaires de l'avionneur brésilien Embraer et les petits appareils de la société suisse Pilatus. Donc, en s'établissant au Québec, l'entreprise, elle, compte pouvoir développer ses affaires auprès de Bombardier, mais aussi d'Embraer, mais aussi certains autres constructeurs de jets d'affaires qui sont présents en Amérique du Nord. Entre autres, on pense à Gulfstream, Cessna et Dassault. Et les futures installations québécoises de F-List vont pouvoir permettre à l'entreprise de raccourcir ses délais de livraison et d'être beaucoup plus flexible face aux demandes de ses clients nord-américains. Donc, en plus d'un atelier de production, on va pouvoir y trouver une salle d'exposition, le centre d'excellence de l'entreprise pour le plaquage de bois Inifuge. Et évidemment, F-List a évalué plusieurs villes nord-américaines avant d'arrêter son choix, bien évidemment, sur Montréal. Et ils le disent eux-mêmes, et ils se voient comme des leaders en qualité et en innovation, mais c'est seulement possible si on a le bon savoir-faire. Et durant l'analyse, eh bien, ils ont découvert qu'à Montréal, c'est l'endroit parfait en Amérique du Nord pour trouver les bonnes personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et c'est un excellent exemple montrant ce que Montréal a à offrir. C'est ce que soulignait Hubert Bolduc, le PDG de l'organisme Montréal International, qui a commencé justement à courtiser un petit peu la compagnie F-List il y a près de 10 ans. Et l'entreprise venait justement de décrocher son premier contrat auprès de Bombardier. Donc, les dirigeants de F-List sont actuellement en train de parler avec des représentants gouvernementaux dans le but d'obtenir, bien évidemment, une aide financière. Et F-List a vu le jour en 1950 comme fabricant d'armoires. Puis par la suite, on s'est tourné vers l'aménagement intérieur de grands yachts et des résidences de prestige. Et l'entreprise est entrée dans le marché de l'aviation d'affaires en 2004. Et aujourd'hui, les trois quarts de son chiffre d'affaires, qui est quand même évalué lui, auprès de 115 millions canadiens, bien, ça provient de ce secteur-là. Donc, l'entreprise F-List emploie actuellement près de 700 personnes en Autriche, en Allemagne, au Brésil et à Dubaï. Et on est en train de regarder pour, justement, pouvoir amener des emplois aussi à Montréal de ce côté-là. Donc, on sait, la population n'aime pas nécessairement Bombardier présentement, mais si on est en train de pouvoir créer certains emplois, peut-être que certaines personnes de la population vont être un petit peu plus conciliantes. On sait jamais. Je dis ça comme ça, je me prononce sur absolument aucun point quant à Bombardier, mais le fait de pouvoir amener un fournisseur comme celui qui est F-List dans une ville comme Montréal et de pouvoir amener des emplois pour ses citoyens, mais je crois que c'est quand même une bonne idée. Il va falloir voir à quel point le gouvernement va pouvoir aider de façon financière, ça je suis consciente, mais j'ai bien hâte de voir. On va parler maintenant de Google qui, eux, font quand même parler, mais on pense surtout à lancer un fact-checking sur le moteur de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on en parle depuis quand même assez longtemps, mais vendredi, un petit peu plus tôt ce week-end, on a déclaré que Google offrait désormais aux utilisateurs de son moteur de recherche de voir, dès l'affichage des résultats d'une recherche, si une information a été vérifiée et son degré de fiabilité aussi. Donc, c'est un nouvel outil dans le combat contre les fausses informations, vous l'aurez deviné, ce qui est quand même assez... courant sur Internet maintenant, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quel site Internet, du moment qu'on joue avec certaines informations sur Internet maintenant, c'est quand même assez difficile de pouvoir vérifier les faits. Alors concrètement, le système est restreint au titre de certaines informations qui justement ont fait l'objet de vérifications par des sites spécialisés comme par exemple Snopes, PolitiFact ou par les équipes de fact-checking de médias généralistes comme le Washington Post. Donc, l'éventuelle ressemblance entre le décret migratoire du président Trump et celui du président Obama, ou encore les affirmations du directeur de l'Agence de protection de l'environnement sur le changement climatique, tout ça, ça fait, par exemple, apparaître aussi assez haut les résultats de vérification avec les mentions, selon le cas, ça peut être faux. Faux pour l'essentiel ou vrai. Donc, les sites qui ont utilisé pour informer l'internaute des vérifications effectuées sur une information doivent être approuvés par Google et c'est ce qu'on a précisé du côté de Google dans un message qui justement a été posté vendredi sur un de ses blogs. Au total, c'est 115 fact-checkers qui participent actuellement à cette initiative-là. Donc, c'est 115 emplois, là, vous l'aurez deviné. Et en rendant ces vérifications-là beaucoup plus visibles dans les résultats de recherche, eh bien, on pense que ça va être beaucoup plus facile pour les gens de les examiner, de les évaluer, pour justement ensuite pouvoir faire leur propre opinion éclairée. Donc, vendredi, sur le blog, Justin Coslin, qui est le chef de produit au sein de Jigsaw, qui, lui, est une filiale de Google, et Kong Yu, qui est un chercheur pour Google Research, ont fait justement certains essais devant les médias pour leur montrer qu'est-ce que ça donnait. Et depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, eh bien, il y a plusieurs géants d'Internet qui ont pris des mesures pour justement lutter contre les fausses informations, ce qu'on appelle en anglais les fake news, qui circulent en ligne et notamment beaucoup trop souvent sur les réseaux sociaux. Donc jeudi, Facebook a annoncé eux aussi la mise en ligne d'un petit guide qui est accessible depuis les fils d'actualité des utilisateurs pour justement pouvoir repérer une fausse information. Donc de ce côté-là, on sent quand même qu'on veut laisser la population avec les bonnes informations, avec les bonnes données, à savoir ce que tout ça va donner. Et j'ai bien hâte de voir si ça va être... comment je pourrais dire, bénéfique de ce côté-là, parce qu'on ne sait jamais, hein? C'est, comme on dit, c'est les fact-checking, c'est quand même assez difficile et c'est surtout les gens qui vont faire, pas nécessairement la propagande de tout ça, mais surtout le partage de ces fausses informations-là. La plupart du temps, c'est assez difficile pour le commun des mortels de savoir qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, surtout si c'est présenté comme une vraie nouvelle. On vous en a déjà parlé, il y a des étapes que vous pouvez suivre pour savoir qu'est-ce qu'une vraie nouvelle, qu'est-ce qu'une fausse information. Surtout, vérifier les sources, je crois que c'est un des moyens les plus efficaces et ça prend bien évidemment un petit temps de recherche, un petit temps de bien vouloir de la personne qui va lire une certaine nouvelle. Alors, à ce moment-là, il y a un petit devoir de citoyen, comme ça, disons ça entre guillemets, qui se doit d'être fait pour justement s'assurer que ce qu'on dit ou ce qu'on lit est tout simplement vrai et qu'on ne va pas partager n'importe quoi sur Internet. Voilà. Du côté, encore une fois, économie, allons-y de cette façon-là. Eh bien, on parle du soccer. Cette fois, on parle de la FIFA. C'est un article qui est sorti samedi sur ledevoir.com. En fait, on parle de certaines pertes en 2016 pour la FIFA et une perte record de 369 millions de dollars. On parle des réserves qui fondent d'un tiers. Donc, la FIFA a publié un petit peu plus tôt cette semaine de mauvais chiffres pour 2016 et par la suite, on a imputé la responsabilité aux investisseurs investissements inconsidérés qui dataient du règne de Joseph Batler, qui est contraint au départ après le vaste scandale de corruption qui justement a déstabilisé un petit peu l'instance de la FIFA. Donc, on a été dirigé par l'Italo-Suisse Gianni Infantino depuis février 2016 et l'instance suprême du foot mondial a présenté cet exercice comme une année charnière pour justement pouvoir redorer son blason à la FIFA. Et le déficit se creuse, c'est ce qu'on explique. Alors, ça se creuse par une hausse des charges qui sont liées justement aux enquêtes judiciaires en cours et à l'amortissement des frais relatifs à certains investissements qui étaient inconsidérés. Donc, par exemple, dans un musée du football mondial et dans l'hôtel Ascot à Zurich, une ville où elle a son siège social. Il faut y ajouter aussi le triplement des aides aux fédérations nationales, qui est une promesse électorale d'Infantino. Donc, du coup, la FIFA a été obligée de puiser dans ses réserves, ce qui sont passés de 1,4 milliard de dollars en 2015 à un peu plus de 1 milliard de dollars en 2016. Et en 2017, eh bien, les pertes devraient même être plus importantes avec un résultat net qui est estimé à environ à moins 489 millions de dollars. Donc, c'est une autre promesse d'Infantino que de celle de rendre public son salaire. Et celui-ci a atteint 1,5 million de dollars contre 837 400 à sa secrétaire générale, Fatma Samoura. Et malgré tout, la FIFA se veut rassurante. Donc, on souligne que, bien évidemment, il y a des pertes qui sont liées à une nouvelle norme comptable qui nous permet de mieux déterminer les sources de revenus. Et on assure aussi que le résultat net devrait être positif à la fin du cycle quadriennal en 2018. Donc, on pourrait s'élever environ à 100 millions de dollars. Mais comme d'habitude, à la fin d'un cycle de 4 ans, c'est de la Coupe du monde que l'instance attend ses principaux revenus. Et ça va justement avoir lieu en 2018 en Russie. Donc, en termes de flux de trésorerie, bien, on est un petit peu à l'aise du côté de la FIFA malgré le fait qu'on a des pertes qui sont grandes parce que justement la Coupe du Monde s'en vient. Et une analyse qui appuie Didier Primo, qui est économiste au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, lui a été interrogé et il dit que la FIFA garde quand même un modèle économique qui est très solide. Il y a des pics, il y a des creux qui sont classiques pour ce genre de fédération-là, puisque justement les revenus sont très très larges et voire exclusivement liés à la Coupe du Monde, justement. Donc, en soulignant que l'augmentation du nombre d'équipes au Mondial de 32 à 48 à partir de 2026, eh bien ça va pouvoir conduire en fait à une hausse des revenus qui vont être directement reliés à toute cette perte-là présentement. Et l'organisation est secouée par un vaste scandale de corruption depuis mai 2015. L'arrestation de plusieurs responsable a été fait. On a été soupçonné d'avoir touché des millions de dollars en pots de vin dans le cadre de contrats de marketing, mais aussi dans l'attribution de Coupe du Monde. Donc, pour 2016, l'instance évalue quand même le coût des enquêtes en cours à 50 millions de dollars et on prévoit 22 millions de dollars de dépenses supplémentaires pour les années 2017-2018. Donc, au total, c'est 40 % dans le viseur de la justice américaine et la plupart sont des dirigeants de la FIFA, de la Confédération du football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale des Caraïbes ou encore des responsables de sociétés de marketing sportif. Donc, veux pas, tout ce qui a été fait avant a des répercussions sur les pertes qu'on a pour la FIFA cette année. Mais justement, comme on le disait, la Coupe du Monde s'en vient et la plupart du temps, on mise tout ce qu'on a sur justement la Coupe du Monde. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Si on continue dans l'économie, eh bien, l'économie canadienne a quand même créé des millions d'emplois à temps plein en mars. C'est une bonne nouvelle. Le marché du travail canadien reste actif et surtout resté actif au plus haut point le mois dernier, ce qui a créé en fait une nouvelle vague nette de 19 400 emplois. Et la vaste majorité de ces emplois-là étaient des emplois à temps plein. C'est ce qu'a indiqué vendredi Statistique Canada et les résultats du mois de mars. Quant à eux, ont alimenté la croissance de l'emploi, ce qui portait justement déjà bien. Mais on parle d'un effort et d'une nouvelle indication de la santé de l'économie qui prend un certain élan depuis quelques mois. Donc, les gens sont un petit peu plus à l'affût de cette information-là. Et cependant, même si le rapport a été largement bien accueilli par les analystes, oui, bien, il y a certains de ces détails qui ont montré des faiblesses qui sont bien ciblées. Entre autres, le taux de chômage du pays a grimpé le mois dernier à 6,7 % par rapport à 6,6 en février, ce qui est essentiellement parce qu'un des plus grands nombres de personnes était à la recherche d'un emploi. Et justement, le rapport part à noter que 95% des nouveaux postes, soit 18 400 emplois, ont été créés dans la catégorie du travail autonome, ce qui est généralement considéré comme beaucoup plus précaire. Et cette catégorie-là peut comprendre surtout des personnes qui travaillent pour des entreprises familiales qui sont pas nécessairement rémunérées. Donc, on parle quand même d'une faible croissance au niveau des métiers généraux, là, si on dit ça comme ça, là, entre guillemets. Mais on voit aussi une faible croissance des salaires. Donc, il y a des nouvelles données qui démontrent, en outre, une faiblesse qui est soutenue en ce qui a trait à la croissance des salaires. Donc, en moyenne, chaque employé canadien gagnait le mois dernier 1,1% de plus qu'un an plus tôt. C'est-à-dire qu'en 2015, oui, exact. Pardon. Et pendant cette même période, eh bien, les prix à la consommation ont cependant augmenté d'environ 2%. Donc, la publication de ce fameux rapport-là survient surtout pendant que la Banque du Canada se prépare à faire une annonce cette semaine sur son taux d'intérêt directeur, et la plupart des économistes s'attendent à ce que le gouvernement de la Banque centrale laisse ce taux à 0,5%. Donc, on parle de 18 400 emplois, comme je le disais, qui est le nombre d'emplois créés qui sont dans la catégorie du travail autonome, et l'économiste en chef de la Banque de Montréal, Doug Porter, a quant à lui estimé que même si les nouvelles données étaient généralement positives, eh bien, on contient quand même divers éléments de faiblesse que M. Poloz pourrait évoquer pour faire valoir justement que l'économie est peut-être pas encore à sa pleine santé. Et il y a certainement quelques pépins avec ce petit rapport-là, mais on dirait que les éléments positifs sont beaucoup plus importants que les négatifs. Alors maintenant, on a eu une croissance qui est solide du nombre d'emplois dans 7 des 8 derniers mois, et les économistes s'attendaient en moyenne à la création de 5000 emplois le mois dernier, ce qui est beaucoup plus gros que les espérances, que les attentes, disons ça comme ça, et surtout à un taux de chômage de 6,7. C'était selon les prévisions qui étaient recueillies un petit peu plus tôt cette année. Alors, pour ce qui est du chômage, on est quand même dans les bons chiffres, mais pour ce qui est du nombre de créations d'emplois, par contre, on a comme été beaucoup plus haut de les attentes qu'on avait pour la plupart des gens qui étaient dirigeants ou qui étaient économistes. Si on parle du gouvernement québécois, on parle d'investir 175 millions sur 5 ans pour décontaminer nos sols. De quoi on parle exactement? Pardon. Eh bien, le gouvernement québécois, lui, quant à lui, va vouloir et veut présentement investir 175 millions de dollars sur 5 ans pour décontaminer les sols, ce qui est un moyen pour le gouvernement de protéger l'environnement tout en stimulant justement l'économie locale. Donc, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, David Hertel, en a fait l'annonce dimanche matin, donc hier matin, en compagnie du ministre de la Sécurité publique, qui est Martin Coiteux, à Montréal. Et dans cette enveloppe-là, il y a 120 millions qui vont être consacrés à rétablir les terrains contaminés qui appartiennent à l'État. Donc, il y a 55 millions qui restent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 55 millions-là? Eh bien, on les réserve au programme Climat Sol Plus, ce qui va permettre aux municipalités, en fait, et aux propriétaires privés de pouvoir recevoir des subventions pour justement décontaminer un sol et pouvoir, par exemple, y construire un parc ou une entreprise. Donc, selon le ministre Hertel, la valeur des terrains qui est non utilisée au Québec représente actuellement 2 milliards de dollars. Et le programme précédent qui était en place de 2007 à 2015, qui est Climat Sol, qui comprenait justement un investissement de 60 millions, a quand même permis d'aider 265 projets de décontamination, ce qui équivaut en fait à 295 terrains de football. On parle de quelque chose qui a généré des investissements de 1,6 milliard, et la nouvelle a bien été accueillie par les municipalités, aussi le milieu d'affaires. On parle de plusieurs municipalités qui sont aux prises justement avec des terrains qui sont contaminés pour le moment, et on aurait justement une grande marge de manœuvre financière pour transformer ces terrains-là en opportunités de développement économique, mais tout en contribuant à la lutte qui est le changement climatique. Et selon la présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, Madame Christine Fréchette, eh bien, ce sont des subventions qui vont nécessairement aider à créer des emplois dans ce fameux secteur-là. Et il y a plusieurs terrains qui sont contaminés, notamment en raison de la présence historique de l'industrie qui est lourde. Donc, cette aide-là va permettre à des terrains contaminés d'être intégrés à nouveau de façon pleinement dans la dynamique économique, mais aussi l'Est de la métropole offre un immense potentiel, mais la contamination de ces fameux sols-là fera freine son développement économique, mais même ici, en Mauricie, il y a plusieurs sols qui sont contaminés, qui devraient être décontaminés pour qu'on puisse justement en faire de beaux projets. J'ai bien hâte de voir ce que l'on va pouvoir faire avec cette fameuse subvention-là. Mais bien évidemment, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose. Au retour, on parle un petit peu plus télévision. Tout ça dans Assemblage Reiki. C'est fou, 89.1. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Ok, oui, au retour, on parle télévision, mais avant ça, j'ai goût de vous offrir un petit peu de musique après toute cette actualité-là. Alors, on va aller écouter Lift You Up et au retour, on parle de plusieurs séries différentes. We'll be right back. Lift You Up de Return for Refound, qui est un band canadien qui vient de Toronto et ils ont justement fait cette pièce-là. C'est leur EP, ils commencent, mais je trouve ça excellent, alors pourquoi pas vous la faire passer ce matin. Voilà. J'ai comme le goût, ouais, de vous faire un Tanya is gonna entertain ya ce matin. Allons-y. Oh que oui, Tanya is gonna entertain ya, parce que ça serait exactement le genre de chronique que j'aurais fait en temps normal si Mathieu Plante avait été avec moi ce matin. Alors j'ai tout simplement décidé de vous faire part de certaines téléséries que j'ai découvertes au courant de la fin de semaine. Certaines ne sont pas nécessairement les plus récentes, vous allez voir, et certaines autres ne sont pas encore sorties. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts, mais la première télésérie dont je veux vous parler, Alex Marchand et moi en avons déjà discuté un petit peu en ondes, c'est Le Survivant Désigné, ou encore, si vous l'écoutez en anglais, ce qui est The Designated Survivor, ce qui est en fait un membre du cabinet présidentiel, oui, qui est choisi par le président des États-Unis pour ne pas assister à un événement qui est tout simplement pas aux alentours du président. Et si jamais il se passe quelque chose, eh bien, on devient un des principaux représentants du pouvoir américain par la suite. C'est un petit peu ce qui se trouve justement dans la télésérie avec... Le Canadien qui est semi-américain, j'ai le goût de dire... Keith Sutherland? Je veux pas dire n'importe quoi, alors laissez-moi le 30 secondes pour trouver le... Pour trouver son bon nom, là. Oui, c'est ça, c'est Kiefer Sutherland, exactement, qui devient un petit peu la tête d'affiche. Alors, il s'agit en fait d'une nouvelle exclusivité depuis le mois de janvier. Et ça fait pas nécessairement longtemps qu'on est sorti pour la diffusion en anglais. La deuxième saison est présentement en train de se faire tourner. On a vraiment très hâte que la saison 2 sorte en passant, s'il vous plaît. Mais c'est un suspense politique. Donc, ça a été créé par David Guggenheim, qui est auteur des films à succès, par exemple, Le Refuge, Kidnapping, et la série Survivant Désigné met en vedette, comme je le disais tout à l'heure, pas trop certaine de son nom, le Kiefer Sutherland, dans le premier rôle. Donc, celui qu'on connaît bien pour son rôle de Jack Bauer dans 24 heures chrono se retrouve cette fois dans la peau de Tom Kirkman, qui est un membre du cabinet présidentiel de peu d'importance et qui est soudainement bien nommé président des États-Unis, justement après une attaque qui a été faite durant le discours sur l'État de l'Union, ce qui tue tous ceux qui le précédaient. Oui, dans la ligne de la succession présidentielle. Donc, tout le monde est mort de ce côté-là. Et tout en luttant pour empêcher le pays et sa famille de s'effondrer, bien évidemment, eh bien, Kirkman, qui se retrouve le survivant désigné, doit justement naviguer dans une arène qui est politique, qui est très, très volatile et qui trouve, bien évidemment, des coupables un petit peu partout, qui a des suspects un petit peu partout. Et la série est produite par The Mark Gordon Company, aussi ABC Studio, et est distribuée au Québec et au Canada par les films Civil, qui est une filiale d'Entertainment One et E1, qui détient justement les droits à l'international. Donc, la télésérie est excellente. Kiefer Sutherland est vraiment incroyable dans cette série-là. Si vous regardez cette série-là, si vous n'êtes pas nécessairement attiré par justement tout ce qui est politique, vous allez peut-être quand même trouver quelque chose qui va vous titiller l'intérêt selon tout ce qui est un petit peu... manigance autour de ce fameux président-là et surtout autour de ce survivant désigné-là. Alors, il y a plusieurs personnes, on parle d'un drame, bien évidemment, mais un drame thriller. Je vous parlais de Kiefer Sutherland, il y a aussi Susan Bimal qui joue là-dedans, Mark Gordon, Amy Harris et vraiment de très, très bons acteurs. Les acteurs principaux, Maggie Q, Cal Penn, Natasha McCallone. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi Italia Ricci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au cours du discours sur l'état d'union, il y a eu une attaque qui s'est fait, un attentat qui a frappé le Capitole et le président des États-Unis, le vice-président Pérez, et surtout avec l'ensemble du cabinet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas personne qui survit à ça. Et la totalité des membres du Congrès et de la Chambre des représentants, à l'exception justement du secrétaire au logement et au développement urbain, qui est Tom Kirkman, qui lui a été appelé, qui a été surtout désigné comme étant le survivant. Et il doit s'investir en tant que président des États-Unis maintenant. C'est pas nécessairement un choix qu'il a. Donc, l'histoire semble quand même être une interprétation libre du roman de Tom Clancy, apparemment sur ordre, ou tout du moins une relecture à grande échelle d'un survivant désigné qui devient président des États-Unis justement dans de telles circonstances. Comme je le disais tout à l'heure, la saison 2 est en production présentement, mais le tout a commencé en 2015 quand ABC a commandé directement la série sans passer par la case pilote, avec Kiefer Sutherland en tête d'affiche, qui est notamment connu pour son rôle, comme je le disais tout à l'heure, dans 24 heures chrono, et on a décidé d'en faire une diffusion pour la saison 2016-2017. Par la suite, en 2016, vers mai 2016, il y a eu le Upfront 2016. Donc, ABC a annoncé la diffusion de la série pour l'automne 2016. Par la suite, en juin 2016, ABC a annoncé la date de lancement, qui allait être aux alentours de septembre. Et en septembre 2016, bien, on a commandé 9 épisodes supplémentaires aux 13 qui étaient déjà prévus. Donc, une saison complète de 22 épisodes. Et si on regarde ça, eh bien, j'ai une bonne idée que la saison 2 va être encore meilleure que la saison 1. Si on parle du casting maintenant, bien, on a débuté en décembre avec justement l'arrivée de Kiefer Sutherland dans le rôle de Tim Kirkman, qui devient le président des États-Unis. Depuis février 2016, il y a plusieurs acteurs qui se sont rejoints à la distribution principale. Par exemple, Cal Penn, qui joue le rôle de Seth, la plume de Tom Kirkman. Par la suite, on a Maggie Q, qui, elle, va être Anna, une agente du FBI. Natasha McCall a obtenu le rôle de Jessica, qui est une avocate, qui est aussi l'épouse de Tom Kirkman, et Italia Ricci, qui joue le rôle d'Emily, la responsable du personnel du président des États-Unis. Et quelques jours plus tard, eh bien, on a vu Adam Canto rejoindre la série dans le rôle de Aaron, un chef adjoint du cabinet présidentiel. Et depuis mars 2016, eh bien, il y a vraiment plusieurs autres personnes qui se sont joints à la distribution. En juillet 2016, il y a Virginia Madsen qui a annoncé son rôle, qui allait être récurrent aussi, de Kimball Oakstraton. En août 2016, on parle aussi de rejoindre la série dans le rôle récurrent de Peter McLeish, qui est un membre du Congrès. Et en septembre 2016, eh bien, il y a Michael T. Williamson qui a obtenu le rôle de l'amiral Chernow. Donc, j'ai hâte de voir qui va se retrouver dans la saison 2, qui sera pas nécessairement là. Mais ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Comme je vous le disais, oui, tout à l'heure, il y a cette espèce de côté-là aussi de manigance, de tout savoir qu'est-ce qui s'est passé la grande journée où tout le monde est décédé au Capitole. En fin de la première saison, si jamais ça vous intéresse, c'est sûr qu'on en apprend un petit peu plus, mais vous allez voir, si vous regardez la saison au grand complet, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vous laissent en haleine pour la deuxième saison, et c'est ça qui est fou, c'est que tu dis non, tu peux pas terminer la saison 1 comme ça, c'est impossible. Et un petit peu plus tôt, cette année, lorsqu'on a annoncé justement la série Survivants désignés, eh bien, c'est le Journal de Montréal qui s'est prêté un petit peu à un exercice qui était quand même drôle. On a fait 16 faits fascinants et cocasses sur Kiefer Sutherland, justement, qui est vedette de l'émission. Parce que vous savez, Kiefer Sutherland, c'est un acteur canadien et on possède une très longue feuille de route et une vie quand même bien remplie. Donc, il y a quelques faits intéressants sur la famille, la carrière et le parcours de celui qui interprète Tom Kirkman dans la nouvelle série, qui sont quand même assez drôles. Donc, Kiefer possède quand même les nationalités canadiennes et britanniques. Il est né à Londres de parents canadiens et il a grandi à Toronto, ce qui explique en fait son amour pour les Maple Leafs. Il y en a quelques autres aussi. D'ailleurs, son père et le célèbre acteur Donald Sutherland possèdent encore une résidence à Georgeville en Estrie. Et il est marié à Francine Racette, une actrice québécoise. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Dans son nouveau rôle pour survivant désigné, eh bien, il incarne Thomas Kirkman, oui, un membre négligé du cabinet qui devient président après qu'une explosion justement au Capitole de Washington ait décimé le commandant en chef, le vice-président et tous ses successeurs. Il y a une nouvelle qui est sortie récemment où justement c'était un poisson d'avril en fait, mais... Justin Trudeau, oui, et Kiefer Sutherland sont allés à la même école secondaire et ils se sont déjà battus. Alors, le 1er avril, Justin Trudeau a décidé de demander une revanche à Kiefer Sutherland sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plutôt Kiefer Sutherland qui a demandé à Justin Trudeau, oui, excusez-moi. Et Justin Trudeau a tout simplement refusé parce qu'il se disait que maintenant, Kiefer Sutherland avait une grande armée derrière lui puisqu'il jouait dans Survivants désignés, mais vous aurez bien deviner que c'était en fait qu'un poisson d'avril, voilà. Saviez-vous en fait que Kiefer Sutherland a brièvement été fiancé à Julia Roberts avant qu'elle ne le quitte 3 jours avant le mariage pour son ami de l'époque qui était Jason Patrick? Et il a depuis affirmé n'entretenir aucune rancune envers l'actrice, mais c'est quand même très drôle, ils se sont rencontrés sur le plateau de Flatliners en 1990 et 3 jours avant le mariage, elle est partie, donc son rôle de la mariée en fuite lui collait quand même bien à la peau à Julia Roberts. Hein? À certains moments, là, je me suis dit son demi-frère, qui est Rasif Sutherland, a joué dans 3 épisodes de la série québécoise Unité 9. On peut aussi voir son parcours d'acteur québécois un petit peu partout sur Internet si jamais ça vous intéresse. Et Angus Sutherland, qui est son autre demi-frère, a lui tenu un rôle dans Harold et Kumar s'évade au Guantanamo, donc qui met en vedette Cal Penn, qui joue aux côtés de Kiefer dans Survivants désignés, ce qui est quand même drôle. Et quand il a reçu en fait le scénario pour Survivants désignés, il a réalisé qu'il tenait les 10 prochaines années de sa vie entre ses mains. C'est ce qu'il a déclaré à US Weekly. Donc, il croit que ça va être une série qui va rester quand même pour longtemps. Du moins, il l'espère. C'est sûr qu'en tant qu'acteur, t'espères tout le temps que bon, le scénario que tu reçois va être là quand même pendant quelques années. Mais 10 ans de sa vie qu'il détient entre ses mains, je crois que Kiefer Sutherland a bon espoir que Survivants désignés va rester pendant un bon moment. Il dit avoir été coloc aussi avec Robert Downey Jr. pendant son début de carrière cinématographique à Los Angeles. Pas pire, hein, comme colocataire. Donc, il y a quelques faits comme ça que le Journal de Montréal a réussi à mettre la main sur Kiefer Sutherland pour la nouvelle série Survivants désignés. La deuxième série dont je veux vous parler... Oh, là, je pense que c'est ma série préférée de tous et de toutes. C'est Madame Secretary ou encore Madame la Secrétaire d'État au Québec. C'est une série télévisée américaine qui a été créée par Barbara Hall et qui a été produite par Laurie McCrary et Morgan Freeman. Elle a été commencée à être diffusée en 2014, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une nouvelle série, il y en a plusieurs qui la connaissent déjà, mais moi je l'ai connue cette fin de semaine et ça a été diffusé entre autres sur le réseau CBC, en simultané aussi sur le réseau Global au Canada et au Québec. Elle est diffusée depuis septembre 2015 sur Série Plus et en France elle est diffusée sur TVA, en Belgique et en Suisse aussi, un petit peu partout. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un petit peu dans le même genre. Vous allez voir si vous regardez le pilote du premier épisode de Survivants désignés. Après ça, vous allez voir le pilote de Madame Secretary. Ben, vous vous dites, mon Dieu, c'est la même histoire. Mais vraiment pas. Donc, à la suite du décès du secrétaire d'État, eh bien, c'est Elizabeth McCord, qui est une ancienne agente de la CIA, qui a été choisie par le président sous les ordres duquel elle a été travaillée pour reprendre le poste justement de secrétaire d'État. Donc, elle se retrouve dans la Maison-Blanche, elle se retrouve à avoir de grandes responsabilités. On a 3 saisons au complet. Aux États-Unis, malgré un retard quand même de 34 minutes à la suite d'une prolongation d'un match de football, eh bien, le pilote a attiré 14,75 millions de téléspectateurs et aussi 1,374 millions de téléspectateurs au Canada. Donc, les épisodes suivants se sont tenus au-dessus de 10 millions de téléspectateurs à chaque fois. On a attiré, par contre, un public qui était beaucoup plus âgé que Once Upon a Time sur ABC et, par exemple, les Simpsons sur Fox, qui sont diffusés en même temps. C'est une excellente série. Encore une fois, on peut voir quasiment le petit côté manigance de tout ce qui est la politique américaine. C'est justement une ancienne prof d'histoire. Elle est mère de famille. Elle vit une vie quand même bien tranquille jusqu'au jour où justement le président des États-Unis décide de débarquer chez elle sur son ranch pour devoir remplacer le secrétaire d'État américain qui est mort dans un mystérieux accident d'avion. Et cet accident d'avion-là va devenir quand même une clé importante à toute l'histoire. Et on est responsable de la diplomatie internationale, donc c'est une ancienne espionne de la CIA, comme je le disais tout à l'heure, qui avait fait le choix, en fait, de se retirer de cette vie qui était quand même assez stressante et qui doit désormais, justement, jongler avec la bureaucratie, la presse américaine qui est extrêmement féroce, des soirées officielles qui sont quand même assez superficielles et aussi sa vie de famille. Donc, on a été en nomination au People's Choice Awards en 2015 pour meilleure série dramatique. La série a été créée, comme je le disais, tout à l'heure par Barbara Hall et elle met en vedette Téa Leoni qu'on a pu voir entre autres dans Family Man et Spanglish qui est le rôle principal et la série a été diffusée sur plusieurs réseaux. On est là depuis 3 saisons, j'ai hâte de voir la 2e saison. J'ai presque terminé la saison 1 et comme je vous disais, c'est une série qui est le fun à regarder, non seulement pour tout ce qu'on pense de la politique américaine, tout ce qu'on pense aussi du jeu d'acteur parce que c'est excellent comme jeu d'acteur, mais aussi pour tout ce qui est féminisme, tu sais, on se rend compte que la secrétaire d'État, ça a un pouvoir assez exceptionnel. Et si vous regardez aujourd'hui, en 2017, eh bien oui, c'est une femme aussi qui est secrétaire d'État aux États-Unis présentement. Donc, ça a un grand pouvoir, ça a une grande responsabilité aussi. Et c'est excellent, ça ouvre les yeux sur la politique internationale beaucoup, beaucoup, parce qu'on en fait souvent allusion. On parle, bien évidemment, des relations des États-Unis avec les autres pays. Et c'est drôle parce que si vous regardez la série qui est sortie en 2014, et bien que vous faites quelques références avec la présidence de Trump présentement, c'est quand même assez ironique de voir tout ça, mais quand même, c'est une télésérie, c'est pas la réalité bien sûr, mais si jamais ça vous intéresse de voir des femmes au pouvoir et de voir des femmes qui savent ce qu'elles font, et bien regardez Madame la secrétaire d'État, c'est excellent. La 3e série dont je veux vous parler, c'est The Arrangement. Si je me souviens bien, elle n'est pas encore sortie en français. Donc, on parle d'une série qui est complètement différente. On parle d'un genre dramatique, mais je vous dirais pas mal plus... OK, oui, dramatique, mais dans le style qu'on connaît en temps habituel. Ça peut quasiment plaire aux jeunes adultes. Donc, après avoir auditionné pour un rôle dans un blockbuster aux côtés de Kanye West, l'acteur le plus en vue du moment, Meghan Morrison, qui est une aspirante comédienne, justement, a vu sa vie se transformer en un conte de fées lorsque, justement, Kyle l'invite à vivre un premier rendez-vous amoureux inoubliable. Vous voyez le genre de série. Mais les moindres faits et gestes du jeune acteur sont contrôlés par, justement, l'Institute of the Higher Mind, qui est une organisation qui est centrée sur le développement personnel dont il fait partie. Et Meghan se voit bientôt proposer un contrat pour le moins surprenant parce qu'elle doit devenir la fiancée puis l'épouse de Kyle contre la somme de 10 millions de dollars. Présentement, on parle de 10 épisodes qui sont répartis sur la saison 1. On a 31 acteurs qui jouent dans cette série-là. Il y a quelques épisodes qui sont sortis seulement. C'est un original de la chaîne E! Et elle a fait beaucoup parler, en fait, parce qu'on disait à un certain moment que la série portait sur la scientologie. Un petit peu aussi... controversée de plusieurs, mais jusqu'à présent, The Arrangement a principalement attiré l'attention, non pas parce qu'il s'agissait justement de l'unique pilote en développement chez E, mais à cause de son speech qui laissait penser justement qu'il était question de scientologie avec une forte inspiration sur le couple de Tom Cruise et Kathy Holmes. Et bien entendu, bien la chaîne a voulu se protéger et a publié un communiqué officiel qui démentait la chose. Et maintenant, il y a une première saison qui a été commandée et on devrait pouvoir justement découvrir par nous-mêmes de quoi il retourne réellement. Donc, ça a été créé par Jonathan Abrahams, qui lui a créé Mad Men avant. Et The Arrangement, comme je le disais, suit l'histoire de Meghan Morrison, qui est une jeune actrice. Bon, elle a auditionné pour un rôle, elle l'a pas nécessairement. Elle auditionne avec un des plus grandes stars du cinéma d'action présentement, qui est Kyle West. Et il se retrouve un petit peu à être à être un charmeur de ces dames. Et bien évidemment, il la charme, donc il l'amène à certains endroits, il la courtise. Bon, ils se croisent finalement, ils finissent par être ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'on lui offre un contrat qui devient, à quelques jours seulement d'avoir connu Kanye West, une grande entente pour 10 millions de dollars. Donc, Kanye West est quant à lui, justement, derrière l'organisation qui est appelée The Institute of the Higher Mind, qui gère, justement, les gens qui ont de la difficulté à se trouver la confiance en soi ou qui sont tout simplement troublés après certains événements dans leur vie. Et il se trouve qu'à ce moment-là, son mentor est Terrence Anderson et c'est lui le grand homme derrière cette grande organisation-là. Et il gère cette organisation avec sa femme qui est Dean. Donc, on peut voir un petit peu que j'ai écouté les 4 épisodes qui sont sortis jusqu'à présent. On peut voir quand même qu'il y a un jeu qui se fait au niveau de tout ce qui est mental des gens qui sont à l'Institut, The Institute of the Higher Mind. C'est sûr que pour le moment, c'est sorti en anglais. Ça devrait sortir en français, j'imagine. Je peux pas croire qu'ils en feront pas minimalement une saison si jamais c'est pas si bon que ça. Mais la première saison de The Arrangement va se composer justement de 10 épisodes, comme je le disais tout à l'heure. Ça va arriver un petit peu plus tôt. C'est sorti il y a 4 semaines déjà. Ça fait un mois approximativement que c'est sorti. C'est quand même bon. Je vous dirais que c'est léger comme série. Ça va pas vous faire penser à de grands drames ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que vous allez voir cette fameuse scientologie-là derrière, de voir à quel point c'est relié. J'ai hâte de pouvoir tirer quelques conclusions après certains épisodes. Là, comme je le disais, je suis rendue à simplement 4, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. La dernière série dont je veux vous parler, eh bien, elle n'est pas encore sortie. Elle est présentement en production. J'ai vu la bande-annonce, ça me semble fou. C'est une comédie qui va être présentée sur Netflix. Donc, c'est un original de Netflix. Et la nouvelle série, en fait, est prévue pour le 21 avril. Donc, ça va sortir dans quelques semaines. Et ça s'appelle Girl Boss. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un original de Netflix, comme je le disais. Et c'est une adaptation du best-seller qui est hashtag Girl Boss de Sophia Amoruso, qui est la fondatrice de la marque de mode Nasty Gal. Donc, la série va se pencher justement sur la vie de Sophia Amoruso, qui, en commençant à vendre des vêtements vintage sur eBay, a construit, à l'âge de 28 ans, un empire de la mode de plusieurs millions de dollars qui est devenue en quelques années Nasty Gal. La première saison va avoir 13 épisodes. Vous allez pouvoir voir 10 acteurs qui vont jouer dans cette série-là. On sait pour le moment qu'il y a Britt Robertson qui joue là-dedans. Il y a aussi Johnny Simmons, Ellie Reid, Alfonso McCauley, Dean Norris, RuPaul, vous savez, là, la drag queen. Eh bien, RuPaul va jouer là-dedans. C'est produit par Charlize Theron, Beth Cano, Sophia Amoruso, qui bien évidemment veut raconter sa propre histoire. Et ça va être diffusé, comme je le disais, sur Netflix. Donc, en février 2016, ça a été annoncé que Netflix avait demandé d'avoir une émission qui allait être basée sur l'autobiographie de Sophia Amoruso. Et la première saison a été commandée. On est en production présentement. On a terminé la production, on a terminé de filmer. Présentement, c'est le montage qui doit être en train de se faire. Mais tout ça va prendre place à San Francisco et aussi Los Angeles. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est que de devoir passer au travers de plusieurs épreuves dans la vie lorsqu'on décide de partir sa propre compagnie, lorsqu'on décide de faire quelque chose qui est quand même assez grand, quand même assez gros. Et on va surtout voir aussi à certains moments les échecs que ça peut amener, les épreuves que ça peut amener. Et peut-être même certaines amitiés qui vont se terminer ou certains moments où on se fait dire « Ouais, mais t'es-tu sûr vraiment que tu veux faire ça? T'as pas un plan B peut-être? Peut-être que ce serait mieux que t'aies un plan B. » Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Comme on le disait, le casting devrait être quand même assez intéressant. On a plusieurs... 13 épisodes. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire en 13 épisodes. Est-ce que ça va être une seule saison? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une autre saison après ça? Et ça reste à voir, mais j'ai bien hâte au 21 avril pour pouvoir regarder tout ça. Au retour, soit on parle avec Mathieu Plante ou soit on parle d'un phénomène social, tout ça dans Sablage Reiki. C'est fou! 89. Ok, oui, vous êtes toujours dans l'assemblage requis à l'émission du matin. Je me suis dit qu'on allait pouvoir prendre quelques moments, encore une fois, pourquoi pas, pour écouter un petit peu de musique. Mais cette fois-ci, on va aller écouter de la musique qui est francophone, parce que ça fait déjà deux pièces qu'on écoute qui est anglophone. Alors, on va se faire plaisir un petit peu ce matin. On va aller écouter du Peter avec Bien Réel. Tout ça sur assemblage requis ce matin. Dans mes mains, elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber, puis me réveille dans un lit drapé d'or. Le plafond est étoile, le sol jardin. Des cascades dans mes cheveux se frettent au chemin. Royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'imagine que c'est enfin vrai. Thank you. vous êtes toujours sur les ondes de Cifou 89.1 FM dans l'émission matinale Assemblage requis. Vous venez d'entendre Peter avec Bien réel. Un petit peu plus tard, on va avoir Mathieu Plante au téléphone avec nous pour nous faire sa petite chronique spéciale. Vous allez probablement aussi entendre un petit peu plus de musique. Mais avant ça, je veux discuter avec vous un petit peu d'un sujet qui a titillé mon attention, en fait. Disons ça comme ça, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, hier, j'étais en train de lire le site Internet de mon ami Le Fil Rouge, qui est Marjorie Réaume, qui est une des collaboratrices, en fait, parce qui est une des fondatrices du site Internet littéraire chez lefilrouge.co. Je vous rappelle que si jamais vous essayez de vous trouver des livres à lire, eh bien, allez faire un petit tour sur ce blog littéraire-là, parce que c'est excellent. Et je suis tombée sur un article où elle présentait un livre, en fait, qui est « Men Explain Things to Me ». Et là, c'était marqué « Au-delà du mansplaining ». Alors, j'ai commencé à lire ce qu'elle voulait dire dans son article et je me suis rendu compte qu'il y avait un terme qui disait « mansplaining », qui est popularisé, en fait, par l'essai de Solnit, qui est pesé dans la balance et surtout qui fait parler autour de l'actualité ces temps-ci. Mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'était le mansplaining et je dois vous en faire part parce que, honnêtement, je me sens un petit peu niaiseuse de ne pas avoir su ce que c'était avant ça. Alors, c'est un petit peu... aujourd'hui, on va faire un petit peu le retour sur ce qu'est le mansplaining. En fait, c'est un concept qui est très ancien, qui est très relou aussi pour un terme qui est relativement récent. Marjorie avait raison, ça fait parler dans l'actualité un petit peu partout ces temps-ci. Mais le mansplaining, ça n'a rien de nouveau. C'est un concept qui est bête, avouons-le, dont nous sommes probablement nombreuses à être témoins au quotidien. En fait, le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme d'un ton condescendant sur un sujet qui la concerne, elle, qu'elle a tort de penser ce qu'elle pense, donc de dire ce qu'elle a à dire. Le mansplaining, en fait, c'est une illustration du patriarcat. C'est une idée qui est très ancienne, qui n'a rien de nouveau, mais le terme qu'il désigne est relativement jeune. En fait, il s'agit de la contraction de « men » pour « homme », vous l'aurez deviné, et « splaining » pour « explaining », qui est « expliqué ». Donc, c'est l'idée que lui, l'homme, en fait, le « mansplainer » qu'on appelle, sait mieux que son interlocutrice. Donc, on dit interlocutrice parce qu'en temps normal, ça va surtout dans ce sens-là, c'est d'un homme vers une femme. Donc, c'est le fait de dire « moi, je sais, toi, tu sais pas ou tu le sais moins ». Le mansplaining, ça fait surtout beaucoup remarquer sur Internet quand il s'attaque au féminisme ou quand une féministe relève quelque chose de sexiste et qu'un homme lui explique qu'elle a tort de voir les choses de cette façon-là parce qu'on explique à la principale concernée ce qu'elle est réellement le sexisme, par exemple, et qu'on connaît un petit peu moins, qu'elle connaît un petit peu moins ce que ça en est, quand en temps normal, c'est elle qu'il subit. Donc, en ce sens, le mansplaining, c'est une des illustrations du patriarcat qui est l'oppression des femmes par les hommes. Pas tous les hommes, ça on le sait, faut le répéter le plus souvent possible parce que la plupart du temps, il y a certaines personnes qui sont tentées de généraliser à ce moment-là, mais les hommes au sens large. Donc, c'est par exemple quand on se révolte contre, je sais pas moi, l'utilisation du terme mademoiselle et qu'on vient nous dire que les féministes devraient se concentrer sur quelque chose d'autre parce qu'il y a des combats qui sont beaucoup plus importants, blablabla, blablabla. Donc, il y a plusieurs livres qui parlent de ce fameux terme-là et le terme provient en fait d'une attitude en ligne générale qui est vue chez les hommes et qui débute souvent sur des forums de discussion qui sont basés sur les femmes ou encore dans des compagnies qui ont seulement des hommes. Donc, c'est n'importe quel membre des deux sexes, qui peuvent être coupables du mansplaining. Parce qu'on peut le faire aussi en tant que femme. Donc, c'est arrivé à certains moments de voir des femmes faire du mansplaining en discutant avec d'autres femmes. Donc, c'est quand même... mal vu, là, on doit se le dire. On n'irait pas jusqu'à dire que le mansplaining, c'est partout, mais il peut potentiellement être repéré n'importe où. Vous allez voir, la plupart du temps, ça va être quand un homme va interrompre une autre femme pour prendre le dessus sur elle et réfuter le fait qu'elle a complètement tort quand elle n'a pas en temps normal tort. Donc, l'un des plus anciens exemples de mansplaining a été documenté en date de 1903 et ça a été déniché par The Atlantic. Donc, c'est un texte de Lyman Abbott qui explique pourquoi les femmes ne veulent plus faire de droit, ne veulent pas du droit de vote, en fait. Et c'est un homme qui pense détenir la vérité sur ce qu'il pense chez les femmes, qui pense en fait savoir mieux qu'elles ce dont elles ont envie et ce qu'elles ne souhaitent pas. Donc, c'est une traduction de l'extrait qui a été partagé par The Atlantic et qui dit « Je pense que c'est parce que la femme ressent, si elle ne voit pas clairement, que la question du suffrage pour la femme est plus qu'uniquement politique, que cela concerne la nature et la structure de la société, le foyer, l'église, l'organe industriel, l'État, la fabrique sociale. Et un changement qui implique une révolution dans tous ces domaines, elle oppose une opposition inflexible, mais le plus souvent silencieuse. C'est pour cette femme silencieuse dont la voix n'est pas entendue dans les conventions, qui n'écrit aucun éditorial, ne fait aucune lecture et ne visite aucune assemblée législative que je parle. » Donc, ça, dans ce texte-là, Abbott parle du fait que les femmes qui l'imaginent comme homme, qui l'imaginent exister pour appuyer son point de vue anti-droit de vote des femmes, et peut-être qu'elles existaient, mais que c'est beaucoup plus condescendant que de parler par quelqu'un d'autre, par exemple. Pourquoi ne pas laisser tout simplement les femmes parler de ce qu'elles veulent parler? Bon, il me semble, c'est clair. Et l'explication, c'est fait par un homme à une femme sur ce qu'elle doit faire et surtout avec un ton qui, généralement, est condescendant. Donc, messieurs, on vous conseille, en fait, de vous renseigner sur ce qu'est le mansplaining, si c'est pas déjà fait. Et on connaît déjà, je suis persuadée, autour de nous, beaucoup d'hommes qui, même avec les meilleures intentions du monde, tombent quand même dans ce fameux petit... dans ce petit chemin-là, qui est assez vite gonflant parce qu'on semble penser automatiquement que les hommes ont une idée soit politique ou ont une idée généralement de la culture générale beaucoup plus développée qu'une femme. Et automatiquement, certains hommes croient qu'ils peuvent être condescendants en disant ce qu'ils veulent. Le deuxième, ça fait partie de la même chose. C'est une vidéo sur laquelle je suis tombée. Et là, si vous me permettez, je vais même faire un petit fade sur la musique pour vous faire écouter un extrait du vidéo. Vous allez voir, c'est en anglais, mais je vais vous l'expliquer et on va aussi réfuter peut-être même un petit peu sur ce vidéo-là. Alors, vous allez voir qu'est-ce que c'est. C'est une vidéo d'une YouTuber qui s'appelle Nicole Arbour qui explique pourquoi les femmes sont vraiment oppressées. Out of control as per usual. Gonna win me a Nobel Peace Prize with this shit? Yeah. Throughout the history of time, women, as a gender, have been pushed down in society. But now it's 2017, and you want to know what the number one threat to women doing well in the workplace or just in life in general is? Other women. Preach. Bitches are terrifying. Ah, sorry, feminists. It's not men holding us down. Sometimes they do. It's us. The second a girl gets something good for herself, they're a panel of bitches waiting to tear her apart. Don't believe me? Just read the comments section of anything. Huh? No. Whatever. Her tits are totally fake. So? As long as she's more than just the fake tits, power to her! She's not even hot. Then why do you care? They're beating us because we're assholes! Et voilà, c'est le seul extrait que je voulais vous faire écouter, en fait, du vidéo qui dure exactement 6 minutes 6. Je vais le mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que ça vaut extrêmement la peine d'être écouté, selon moi. Mais elle explique, en fait, que les femmes ont de la difficulté à prendre leur place dans le monde, pas parce que les hommes sont au-dessus d'elles et pas parce que ce sont les hommes qui font une certaine pression pour ne pas qu'elle aille plus loin, mais parce que les autres femmes font une pression pour qu'elle n'aille pas plus loin. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose avec laquelle je suis totalement d'accord. Elle explique tout au long du vidéo pourquoi certaines femmes décident de faire quelque chose qui est extrêmement bien ou qui va tout simplement avoir une idée du fait que, mon Dieu, comment je pourrais expliquer ça, qu'elle veut aller loin, qu'elle a des buts et tout ça. Mais du moment qu'une femme et une fille a confiance-là en elle, il y a d'autres femmes et filles autour qui automatiquement la détestent. C'est un petit peu, j'ai quasiment le goût de dire, c'est presque du slut shaming qu'on fait de façon quotidienne, à tous les jours en fait. Et c'est ça qui fait en sorte que certaines femmes ont de la difficulté à prendre leur place à certains endroits. C'est pas automatiquement en cause que les hommes ont des opinions qui sont négatives sur les femmes. C'est surtout beaucoup plus à cause que les femmes ont des opinions négatives sur les femmes. Combien de fois est-ce que c'est arrivé que vous, je sais pas moi, que vous arriviez quelque part et automatiquement les femmes autour de vous vous regardaient d'un air qui était soit hautain ou soit qui était justement en train de dire que vous avez probablement coucher avec quelqu'un pour avoir le job que vous avez ou, tu sais, ce sont tous des choses auxquelles certaines femmes font face et c'est ça qui fait en sorte que les femmes aujourd'hui ont de la difficulté à prendre leur place, que ce soit dans une compagnie, que ce soit en politique, que ce soit n'importe où, c'est exactement ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté. C'est pas les hommes sur une, je sais pas moi, sur une durée de temps qui fait en sorte qu'une femme ne sera pas capable d'avoir un poste, par exemple, de haut placé dans une compagnie. Non, c'est surtout les femmes qui vont faire en sorte que cette femme-là va se dire que c'est pas correct qu'elle ait cette position-là. Parce que si elle a cette position-là, automatiquement, c'est qu'elle a couché avec quelqu'un qui était beaucoup plus haut placé qui lui a donné le job. Ou automatiquement, elle a fait quelque chose, elle a changé quelque chose, elle était habillée beaucoup trop sexy ou peu importe. Vous allez voir que c'est souvent ce qui arrive. Lisez, comme disait Nicole Albert dans l'extrait que je vous ai fait écouter, lisez n'importe quelle section commentaire de n'importe quel site internet où justement on voit une femme avoir du succès. On dirait que les femmes détestent les autres femmes qui ont du succès. Donc à ce moment-là, c'est extrêmement difficile pour une femme de pouvoir prendre sa propre place. Parce que non seulement on doit prouver que oui, à un certain point, on est égal face aux hommes, mais on doit aussi prouver aux femmes que ça vaut absolument pas la peine de se battre pour quelque chose dont on n'a pas à se battre. Et la plupart du temps, c'est ça qui va être extrêmement difficile. C'est qu'à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose pour les autres sans nécessairement penser à nous-mêmes. Donc, je crois que les femmes doivent essayer de plus en plus, et ça, c'est vraiment même dans le féminisme, de penser qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est pas parce que je décide de, par exemple, c'est pas parce que je décide d'avoir un emploi qui est haut placé qu'automatiquement j'ai couché avec quelqu'un ou automatiquement ça fait en sorte que je vais y partir avec ton homme ou peu importe. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir de quoi je veux parler. C'est vraiment de se montrer forte, en fait, l'une envers l'autre et de pouvoir s'appuyer. Si une femme a du pouvoir, si une femme a du succès, je ne vois aucunement pas pourquoi les autres femmes ne sont pas capables d'être contentes ou d'être enjouées pour cette femme-là. Parce qu'on dirait qu'automatiquement, on pense que c'est pas correct. Elle a automatiquement fait quelque chose de pas correct pour être à cet endroit-là. On dirait qu'on refuse un petit peu que certaines femmes aient ce que nous, on aurait peut-être voulu avoir. Je sais pas c'est quoi le phénomène social derrière ça, mais c'est vrai. Ce sont pas les hommes en entier qui font en sorte que les femmes ont de la difficulté à prendre leur place dans la société. C'est vraiment les femmes face aux femmes. C'est cette idée-là de penser qu'on doit se battre en femmes pour pouvoir avoir quelque chose que les hommes en temps normal pourraient avoir, pas nécessairement aussi facilement, mais pourraient avoir peut-être beaucoup plus aisément, disons ça comme ça. Et dans la vidéo, vous allez voir, Nicole Arbour fait la différence aussi, fait un certain parallèle avec les femmes dans un bar. Automatiquement, si on essaie d'avoir en tant que deux femmes, là, deux familles séparées dans le même endroit, si on décide d'avoir un œil sur le même homme, bien automatiquement, ça va devenir une lutte entre ces deux femmes-là. Quand, en temps normal, vous devriez laisser l'homme se battre pour chacune d'entre vous. Et à ce moment-là, c'est vous qui avez l'espèce de face de pouvoir de vous dire non ou non, oui. C'est de tout simplement montrer aux femmes qu'elles doivent arrêter de s'en vouloir pour aucune raison, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et je le vois de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit un petit peu partout, en fait, disons. Soyons honnêtes, là, c'est vraiment un peu partout. Je pense que les gens réalisent pas nécessairement, et surtout les femmes ne réalisent pas à quel point à certains moments, on semble en vouloir à certaines autres femmes lorsqu'elle réussissait bien. Quand en temps normal, on devrait tout simplement lui donner une tape dans le dos en disant, tu sais quoi? Félicitations. continue. T'as fait du beau travail. Ça, on dirait qu'en tant que femme, on a de la difficulté à le faire et on sait pas pourquoi. Il y a rien qui explique ça, mon Dieu. Après avoir écouté la vidéo de Nicole Arbour, j'ai tenté de m'auto-expliquer qu'est-ce que c'était ce phénomène-là parce que ça nous arrive à plusieurs. C'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est pas un phénomène qui est totalement inconnu de tous. Non, c'est vrai, on dirait que c'est de la jalousie, on dirait qu'à un certain moment, il y a plusieurs personnes qui vont dire que c'est un manque de confiance en soi en tant que femme. Je crois pas que ce soit nécessairement ça, mais c'est sûr et certain que ça doit s'expliquer par quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé quelque part entre deux femmes qui a fait en sorte qu'après ça, toutes les femmes ont décidé d'haïr les autres femmes. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à devenir ce qu'on veut devenir. Je pense que c'est vraiment le terme que je vais utiliser, le slut-shaming entre femmes. C'est vraiment l'oppression qu'il y a d'une femme à une autre lorsqu'une femme décide de faire quelque chose qui va être avec succès ou qui va être grand. On décide tout simplement de refuser de voir que c'est une bonne chose. Je vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Allez faire un petit tour sur la page Facebook d'Assemblage Requis. J'ai vraiment le goût d'avoir vos opinions par rapport à ça. Peut-être même que si j'ai des opinions un petit peu plus tard dans la journée, on va pouvoir en discuter demain matin dans l'émission. Mais avant de s'entretenir avec Mathieu Plante, on va écouter Bronco avec Falling Free. Et un petit peu plus tard, comme je le disais, au retour, on va entendre la magnifique voix téléphonique de Mathieu Plante. We'll be right back. pour l'écouter. 89.1. Oh oui, toujours assemblage requis dans l'émission matinale de Cifou 89.1 FM. Je vous disais qu'après la pause et après la pièce musicale de Bronco avec Falling Free, on allait avoir la chronique habituelle de Mathieu Plante où on prend de ses nouvelles. Mais depuis quelque temps, depuis les trois derniers jours, Mathieu a décidé de faire certaines de ses chroniques au téléphone avec nous. Alors, il est au bout du fil avec moi. Bon matin, Mathieu! Salut, Talia, ça va? Ça va très bien. En fait, c'est drôle, tu parles de parler de moi avant de faire ma chronique, puis je pense qu'on pourrait prendre le temps de parler un petit peu de moi, même de faire des jeux de mots. J'ai préparé tout le kit aujourd'hui pour te libérer un peu. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, en fait, j'étais supposé commencer ma physio et à la personne qui devait me passer les poids. Arrête pas d'oublier à tous les jours. Ah non! C'est con. Fait que là, j'ai les 0.5 livres que tu m'as passés. Oui. Et c'était pas mal ça, mais à un moment donné, mon bras, il commence à être habitué. Il y a des 0.5 livres, ben, là, je suis prêt à passer à une autre étape. Hein. Il faut que tu me le mentionnes, je vais t'en amener d'autres. Très fine. Mais bon, donc c'est ça, je suis en physio, j'attends. Là. Je trouve que ce serait quand même correct de retourner au travail aujourd'hui, mais comme je suis en arrêt de travail légalement, il faut que j'attende jusqu'à lundi prochain. Sinon, côté jeu de mots, là, ça va plus avoir un lien avec ma situation. Là, tu te rappelles que plus le temps avancé dans les premières semaines, plus j'ai fini par faire des jeux de mots sur absolument n'importe quoi. Oui. Hein? Mais là, je vais revenir à l'essentiel, et justement avec le mot convalescentiel. Oh, convalescentiel. Comme convalescence, mais à l'essentiel. On prend ce coup, on fait pas grand-chose. Si je dois sortir, c'est pour aller, genre, faire une minuscule commission, puis je reviens. Hier, je suis allé faire une commission au centre-ville, mais c'est pas une poutine, c'est un restaurant de poutine. OK. Et tu sais, c'est tout ce que j'ai fait de ma semaine à date de sortir. Et puis mon deuxième, c'est rétablissemental. Rétablissemental. Comme dans rétablissement et mental, comme dans travailler sur son mental en rétablissant tout ton physique et ton moral après avoir eu une période creuse pendant un mois et demi où tu attends de retourner au travail. Ah, c'est pas fou. Donc, c'était mes jeux de mots du jour. Et sinon, je crois que t'es prête. Je t'ai envoyé une petite intro spéciale parce que c'est une chronique qui manquait d'introduction depuis, je pense, 2-3 mois. J'ai enfin pris le temps de la faire. Oh, que oui. Ben oui, je suis prête. Donne-moi 30 secondes. Ah, je t'envoie ça là. Mathieu, dis-nous, quelle est ta chronique? Parce que là, ça, c'est une intro qu'on n'a jamais entendue. Là. Absolument. J'ai déjà fait cette chronique-là une couple de fois, mais là, je me suis forcé à faire une intro qui avait de l'allure avec une petite musique mystérieuse qui, j'espère, s'entendait par-dessus notre son de canne de ton au téléphone. Oui, c'est pas pire. Pas pire. Donc, après, crime, c'est la chronique où on parle de crime. C'est quand même assez logique, mais de gens qui ont commis des crimes spéciaux, des crimes dont j'espère que vous n'avez pas encore entendu parler, des gens pas corrects. OK. Ça a du sens comme explication. Ben oui, ça a beaucoup de sens. Pour commencer, on va à Los Angeles, où il y a quelqu'un qui n'arrête pas de manger et de quitter le restaurant sans avoir payé. Non! Oui, ça arrive. Donc, c'est selon CBS LA. Il y a quelqu'un qui fait du dine and dash à répétition à Los Angeles. C'est comme un crime en série là, qu'il fait. Donc, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Donc, une femme voulait que son identité soit protégée quand elle a parlé à CBS de Paul Gonzalez. Ils se sont prévus un petit rendez-vous en ligne. Quand ils sont arrivés au restaurant, bon, il a commandé du vin, de la salade, des crevettes. Ce que j'ai appris qu'on n'avait pas à Trois-Rivières grâce à Noé Talbot. Oui, c'est ça, exact. Pas de crevettes. Donc, il a commandé du steak, patates au four, etc. Donc, il mange la nourriture, il se lève très rapidement en disant qu'il doit prendre un téléphone et la femme ne le revoit jamais. OK. Il répond jamais et c'est elle qui est obligée de payer la facture de restaurant. Il fait ça à répétition sur Bumble. Mais une application qui ressemble un petit peu à Tinder. Là. Donc, la femme est allée en ligne et elle a découvert que plusieurs autres femmes avaient vécu la même chose avec lui. Il y a aussi un petit clip dans un salon de coiffure, oui, qui le montre en train de se faire couper les cheveux. J'imagine qu'il est parti en train après se couper les cheveux sans payer. C'est le genre de gars que c'est. Donc, c'est Paul Gonzalez, si vous êtes sur Bumble. Wow! C'est quelque chose, hein? Oui, tout à fait. Ensuite, une autre histoire qui m'a fait un petit peu peur dans ce cas-ci, c'est une femme qui filme sa bonne, sa femme de ménage. Oups, tu vois, en train de... Hip, c'est une vidéo qui joue tout seul. Qui est en train d'être suspendue, si on veut, par la main après la fenêtre. Et puis ensuite, la femme filme ça et puis la laisse tomber de 7 étages. My God, OK. Donc, c'est une femme qui est en état d'arrestation après avoir filmé sa femme de ménage tomber de 7 étages de son balcon. Ça a eu au Koweït. Où cette bonne éthiopienne dit que son employeur a essayé de la tuer. C'est selon The Independent qui dit qu'elle a essayé de s'enfuir, cette dame-là. Et puis ça a été posté sur les réseaux sociaux. Elle supplie la femme de l'aider à remonter. Mais finalement, elle tombe. Finalement, la femme la laisse tomber? Oui, exactement. Et elle a survécu avec un bras cassé après être tombée. Puis plus tard, on l'a vu parler sur un lit d'hôpital selon le Middle East Eye. Donc, elle dit que la femme l'a mis dans la salle de bain et qu'elle allait la tuer, la bonne, dans la salle de bain, sans que personne ne sache. Elle aurait jeté le corps comme ça au déchet, je sais pas trop quoi. Et puis finalement, elle a essayé de s'enfuir et puis c'est ça, elle s'est accrochée au rebord de la fenêtre. Donc, ça fait peur pas mal. Wow! Selon The Kuwait Society for Human Rights, on va démarrer une enquête criminelle là-dessus. Voilà. Ouais, c'est assez écœurant. Une femme qui pourrait aller en prison pendant 14 ans après avoir circoncis son fils de 4 ans elle-même. Ah, ben voyons donc. Oui, c'était au mois de mars, une femme de Érythrée, qui vit maintenant en Israël, a performé une circoncision sur son fils de 4 ans. Elle a utilisé aucun outil traditionnel, évidemment. Elle est accusée donc d'avoir fait ça. Son avocat, Moshe Sergovitch, dit qu'il n'y a aucune loi qui supervise le travail des moelles, ça c'est ceux qui performent les circoncisions, oui, juives, je crois, mm-hmm. Et qu'elle a seulement fait ça selon son héritage culturel, donc elle y est allée avec ce qu'elle connaissait, la tradition, etc. Donc apparemment qu'il n'y a aucune loi, c'est ça qui supervise ça, donc on peut faire à peu près n'importe quoi. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres détails à dire de très intéressant, mais bon. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire, je pense. Ben non, en effet, mon Dieu. Avec un canif ou je sais pas trop quoi. Pas une bonne idée. C'est agressif. Ensuite, oui, c'est ça. Ben, ça devient une agression quand même. Ça devient Ensuite, un jury qui donne à une victime de vol 1,3 million après que la compagnie d'assurance ait rejeté sa plainte. Donc, c'est un jury qui a demandé à Ameriprise Insurance de payer 1,3 million après avoir refusé en 2013 des dommages causés par l'eau juste après un crime de vol, donc l'introduction par infraction. Mm-hmm. Donc, il était venu faire un vol, les voleurs chez lui, et puis ça a causé un dégât d'eau, selon l'avocat. Donc, ça dit qu'il a dû trouver pour sa famille comme 14 mois. Pendant 14 mois, il devait trouver des endroits où vivre après avoir vécu ce vol-là et après ça, le dommage causé par l'eau parce que les voleurs ont rempli le bain et ont laissé l'eau couler. Donc, le bain a coulé dans la maison puis ça a évidemment fait un dégât d'eau. Quand même assez incroyable comme histoire. Et puis après ça, donc une cour supérieure de Los Angeles a dit que Ameriprise était coupable de mauvaise résolution d'assurance après avoir refusé de faire les réparations demandées. Donc il va recevoir 1,3 million de dollars de cette compagnie d'assurance-là. Ensuite, en Chine, on utilise la reconnaissance faciale dans les toilettes, les salles de bain publiques pour empêcher le vol de papier de toilette. OK. Ouais, pour empêcher les gens de dénuder, si on veut, les salles de bain de leur papier de toilette. On a installé une nouvelle technologie dans les salles de bain du Temple du Paradis, Temple of Heaven, qui donc crache un morceau de 2 pieds de papier de toilette à chaque 9 minutes après un scan du visage, selon l'Associated Press. Huh. Hein, donc, tu pourrais rester là et avoir plus de papier si tu dois compléter ton ouvrage. Sauf qu'il va falloir que tu attendes 9 minutes pour avoir 2 pieds de papier de toilette. Et tu pourras pas, évidemment, voler les rouleaux de papier de toilette comme les touristes avaient tendance à faire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une révolution dans le monde de la toilette. Wow! Hein? ça, c'est quelque chose. En effet. Ensuite, un adolescent a admis en cours avoir planifié le meurtre du pape François. Hey, j'ai vu ça! T'as vu ça? Santos Colon, qui a plaidé coupable en cour fédérale après avoir manigancé pour assassiner le pape François pendant sa visite en 2015 aux États-Unis. C'est Newsweek qui a parlé de ça. Donc, la publication dit que Colon a accepté donc ce qu'on appelle un plea bargain, donc c'est comme une entente, si on veut, de plaider coupable en échange d'avoir une peine réduite. Bien sûr, selon les documents de la cour, le suspect avait 15 ans quand il a adopté l'alias de Ahmad Shakur. Il a commencé à faire un complot pour tuer le pontife au nom de ISIL, évidemment, Daesh, peu importe. Donc, selon NBC Philadelphia, le présumé futur wannabe terroriste donc avait fait ça et il pourrait passer 15 ans en prison. Wow! Ouais. Ensuite, un client de chez 7-Eleven, qui est un dépanneur, qui détruit, si on veut, le magasin après que sa carte débit soit refusée, ait été refusée. Ces autorités en Californie qui cherchent un homme qui porte le nom de Michael Douglas, en donnant le nom d'acteur hollywoodien. Ouais, en effet. En fait, non, excuse-moi, c'est moi qui l'image. C'est en effet, il a imité un petit peu Michael Douglas dans Falling Down, je m'excuse. Donc, la police a dit à Kekar que donc la carte de l'homme avait été refusée. Il est allé par-dessus le comptoir, il a frappé le caissier sur la tête, et puis il a détruit les ordinateurs, les caisses enregistreuses, et en sortant, il a pris aussi des bananes qui étaient sur le comptoir et les a lancées sur la tête du caissier. Wow. L'incident a causé $700 de dommages au dépanneur 7-Eleven, la valeur d'environ 700 emballages de M&M. Ben non, voyons non. Oui. Ensuite, un homme qui était embarré dans une pharmacie, qui ne sera pas accusé d'avoir pris des collations, si on veut, pour survivre pendant sa nuit dans une pharmacie. J'imagine que si tu te faisais prendre embarré dans une pharmacie, tu n'aurais pas le choix, si tu voulais survivre, de manger quelque chose. Donc, c'est le Southgate News Herald qui nous dit que l'homme s'est réveillé dans un magasin CVS le 1er avril. Oui, 1er avril. Pour trouver que c'était que c'était barré et qu'il n'y avait personne dans le magasin, qui ne pouvait pas sortir. Donc, l'homme a été retrouvé le lendemain, soir, à la fin de la soirée, à 8h du matin, lorsqu'il a fait démarrer l'alarme du magasin. La compagnie d'alarme du magasin a donc remarqué que l'homme se promenait dans les allées. Ils ont appelé la police. Lorsque la police est arrivée, l'homme de 56 ans leur a dit qu'il s'est endormi près de la machine pour prendre ta pression sanguine, ta pression autour du bras. Donc, il s'est réveillé et puis il était pris à l'intérieur du magasin et puis il a pris évidemment quelques petites barres de chocolat, j'imagine, quelque chose comme ça. CVS, la compagnie en question, voulait au départ accuser l'homme de vol parce qu'il avait consommé des Fig Newtons. Mm-hmm. Comment c'est bon ça? Ben oui. Du lait Trumou et d'autres boissons. Mais le porte-parole de la chaîne dit au News Herald que finalement, il n'y aura pas de poursuite. Voilà. Wow. Hein? Lors d'une pharmacie toute la nuit, là. C'est le fun. Ensuite, dans le même genre un peu, un homme qui s'est caché dans un magasin Sears à la fermeture et il a essayé de voler $839 en bijoux. En bijoux? Ben, hein? Oui, en bijoux. Donc, la police dit que l'homme avait $830,000 de bijoux. Dans sa petite sacoche sac à dos qu'il avait volé, ou en tout cas ça dit obtenu. Je sais pas comment il l'a obtenu, mais okay. De chez Sears, c'est le même magasin. Et ça se peut qu'il ait volé là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc le suspect a fait lui aussi démarrer les systèmes d'alarme qui sont faits pour détecter si quelqu'un se promène dans le magasin après la fermeture pour voler des bijoux. Tu vois, c'est exactement pour ça que cette alarme-là existe. Donc l'alarme a amené la police au magasin et on dit que l'homme essayait de s'échapper du magasin avec son sac et en cachant son visage. On dit qu'à la place d'avoir apporté son propre marteau, la police dit que le voleur a emprunté un outil du département des outils pour en plus de son sac à dos qui est accusé donc d'avoir volé aussi. Donc il a laissé le sac et le marteau et les bijoux derrière lui en essayant de s'échapper. Le suspect est accusé de deux comptes de vol commerciaux et puis un de vol. Donc c'est un magasin Sears qui est White Oak Shopping Center à Montgomery County. Il faut vraiment que tu sois subtil pour pouvoir voler autant de bijoux dans un Sears sans que tu te fasses pogner. Puis il volait un marteau, puis un sac, puis des bijoux. C'est ça, exactement. Ça peut paraître un peu. Ben, juste un peu, tu sais. Ensuite, c'est un conducteur qui a pilé sur une personne qui s'occupe de mettre ton gaz, tu sais, dans une station avec service. Comment t'appelles ça, la personne à la pompe, peu importe. Tout ça pour essayer de ne pas avoir à payer le 25$ de gaz qu'il avait à payer. Ça se passe dans le New Jersey. On cherche le conducteur d'un véhicule qui a pilé par-dessus cette personne-là après avoir essayé de s'enfuir sur une station de nouvelles locale. On a réussi à obtenir le vidéo de surveillance de la station service. Alors, on a parlé aussi à Attila Tass, qui est la personne qui s'est fait frapper. Selon Tass, le chauffeur est arrivé, lui a demandé de remplir la tank de son véhicule. Et puis après ça, la personne est partie lorsqu'il fallait payer le 25$. Mais elle est partie en fonçant sur la personne qui lui avait mis son gaz. Elle dit que tout s'est passé très, très rapidement. Oups, c'est un gars, ça, Attila Tass? Je suis sûr, ça sonnait très féminin dans ma tête, mais bon. Bref, il a fait un U-turn et il est sorti de la station de service. Et puis, il a foncé directement sur Tass en le faisant. Voilà. Le gars a l'air d'avoir arrêté sur son chemin pour voir si Tass se remettait debout. En plus, il est reparti. Wow. On essaie toujours de trouver l'identité de ce conducteur. Tass n'a pas de blessures sérieuses, mais dit quand même qu'il y a de l'enflure sur ses jambes. Mais j'imagine. Ensuite, une femme qui s'est déguisée en employée de chez Target pour voler 40 000$ de téléphone. OK. Oui, donc c'est un magasin Target en Virginie qui a perdu 40 000$ environ de iPhone après que la femme se soit... elle décide de faire une mascarade en tant qu'employée de Target et en sortant avec plein de téléphones. Donc, c'est le Fairfax County Police Department qui enquête sur le vol de douzaines de téléphones. Donc, c'est une femme qui serait entrée dans ce magasin de Alexandria en Virginie, un magasin Target. La police dit que la femme est entrée le 15 mars, a été capturée sur les caméras vidéo en train de porter un uniforme de l'employé de chez Target Mobile, donc un polo noir et des kakis. Mm-hmm. Elle s'est rendue dans dans l'arrière boutique. Si on veut remplir son panier de 40 000$ d'iPhone et puis le quitter le magasin, on ne croit pas que ce soit une ancienne ou même une employée présentement chez Target. Mais là, fait ses devoirs quand même. Les autorités disent qu'elle était familière avec les procédures du magasin, les heures des employés et savait où les iPhones étaient. Donc, ils ont beau dire que c'était pas une ancienne employée, une employée courante, mais elle doit connaître quelqu'un qui travaille là pour savoir ces informations-là. Mais bref, donc chez Target. Wow. Ensuite, l'honnêteté d'un homme l'a récompensé un peu parce qu'il a pu garder les 15 000$ qu'il a trouvé dans la rue il y a un an. Tu sais, on dit des fois que le crime ne paie pas, comme nous dit Consumerist ici, dans certains cas, c'est le cas. Donc, 15 200$ qu'il a trouvé dans la rue il y a plus d'un an. Il était sur le chemin du travail jusqu'à la maison, c'est ça, vers les minuit, sur une petite route déserte. Il a vu un paquet en plein milieu de la rue, selon le Delaware County Daily Times. Il s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un, et puis il a trouvé, dans le fond, à l'intérieur, il y avait un sac de banque avec des piles d'argent et aussi des trucs par rapport à la drogue. Donc, il a appelé la police, il a donné l'argent à l'officier qui est arrivé sur la scène. Les policiers avaient l'argent en leur possession depuis. Il a fait une poursuite au civil en septembre pour essayer d'avoir cet argent-là pour lui-même, disant que dans le fond, ça disait que si après 90 jours, personne n'était venu le chercher, ça lui appartenait, dans le fond. Okay. C'est ce qu'il disait. Bref, on a demandé, c'est le juge qui a demandé à ce que l'argent lui soit redonné en décembre, lorsque le propriétaire de l'argent ne s'est pas présenté. Et puis, bref, il a continué, il a persisté, et puis finalement, il a gagné. C'est lui qui a droit à l'argent à la fin. C'est une bonne nouvelle, quand même, je trouve. Ah ouais, quand même, pas super. 15 000$. Tu me dis quand tu veux j'arrête, hein, parce que là, j'ai pas regardé l'heure. Ah, t'as encore le temps. C'est bon. Ensuite, un homme qui est surpris, on parlait de gens qui pouvaient garder leur argent. C'est un homme qui pensait qu'il était dans une grosse attrape, là, comme un prince nigérien, ou peu importe. Oui, oui, oui. Mais finalement, il a vraiment eu droit à ses 763 000$. Donc, quand tu reçois un courriel qui te promet de l'argent, souvent, c'est une grosse attrape. Mais il y a un homme de la Caroline du Sud qui a reçu un appel téléphonique lui informant qu'il avait droit à 763 000 $ en argent qui n'avait pas été réclamé. Donc, il pensait évidemment que c'était une attrape. Ben ouais. Ça a commencé avec un appel que son fils a reçu par téléphone du trésorier de son État, Curtis Loftis, qui essayait de contacter son père pour lui dire qu'il y avait 750 000$ de fonds non réclamés qu'il attendait depuis plus d'une décennie. Loftis est le président de la National Association of Unclaimed Property Administrators, et donc, ça fait que c'est sa mission de redonner l'argent à ses propriétaires. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas été facile. L'argent venait du père de l'homme qui était décédé plus de 15 ans auparavant. l'artiste a dû utiliser Facebook pour retrouver l'héritier. Et à l'ultime, ils ont réussi à trouver seulement le fils de l'héritier qui a dû convaincre son père à lui d'appeler le trésorier pour essayer d'avoir l'argent. Bref, c'est super compliqué. Le trésorier dit au New York Times qu'il a même offert de se rendre au Starbucks pour rencontrer l'héritier en public pour lui prouver que l'offre était valide. Finalement, l'homme a été convaincu et maintenant, il doit être extrêmement heureux parce qu'il gagne 763 000 $ de la part de son père. Wow! Wow! Mais c'est vraiment cool comme histoire, pour vrai. Ça nous fait peut-être un petit peu douter des comptes, là, je pense. Moi, c'est ça, exactement. Ensuite, tu as peut-être entendu parler de ça, la blogueuse Belle Gibson, qui a été reconnue coupable d'avoir menti sur son cancer. As-tu entendu? Ah, non! Cette blogueuse australienne qui avait raconté à tort avoir souffert d'un cancer du cerveau et s'en être sortie grâce aux thérapies naturelles a été reconnue coupable par la justice d'avoir trompé l'opinion publique. Belle Gibson, 25 ans, avait publié en 2013 un ouvrage de cuisine à succès, une application pour téléphone intelligent après être parvenue à la célébrité grâce au récit de sa prétendue lutte victorieuse contre son cancer du cerveau. Pour guérir, elle dit qu'elle avait utilisé des techniques alternatives comme la médecine ayurvédique et suivi un régime sans gluten ou sucre raffiné. Mais en 2015, elle avait avoué dans un magazine australien avoir tout inventé et n'avoir jamais été malade. Le service chargé de la protection des consommateurs de l'État de Victoria, Consumer Affairs Victoria, a porté plainte contre la blogueuse et la Cour fédérale a retenu la plupart de ses arguments. La jeune femme a eu un comportement trompeur et mensonger, dit la Cour. La peine n'a pas encore été déterminée, mais elle encourt personnellement jusqu'à 220 000 $ australiens d'amende, c'est 225 000 $ canadiens, et sa société jusqu'à 1,1 million de $ australiens de pénalité, a déclaré à l'agence France-Presse un porte-parole du CAV. Je cite, Mme Gibson a délibérément joué sur les désirs des Australiens de venir en aide aux moins chanceux. Ah, ben voyons donc. Faut-tu être particulièrement troublé mentalement pour faire ce genre de choses? Faut être dévoué au fait que tu veux faire de l'argent sur Internet. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et je t'en fais une dernière pour terminer. Un autre article qui m'a intéressé, c'est une intelligence artificielle qui détecte les criminels grâce à leurs ondes cérébrales. La sentence du robot est tombée, nous dit le Huffington Post. L'accusé est déclaré coupable de trafic de drogue. Cette scène est totalement fictive, mais pourrait-elle devenir réalité un jour? C'est une étude récente qui nous dit que des chercheurs affirment avoir réussi à détecter si une personne a réalisé une action criminelle simplement en analysant son cerveau. Pour réaliser cet exploit-là, une première, les scientifiques ont scanné les ondes cérébrales de cobayes grâce à un IRM qui permet de mesurer l'activité de nos méninges, puis ils ont analysé les résultats à l'aide d'une intelligence artificielle. Ils ont demandé à 40 personnes d'utiliser un petit jeu sur l'ordinateur où on leur demandait de traverser une frontière équipée d'une valise. Certains savaient clairement que le bagage contenait du matériel de contrebande et les autres devaient choisir une valise parmi cinq, en sachant que l'une d'entre elles contenait des choses illégales. Donc, il y avait un risque, mais une certaine certitude. Pendant ce temps-là, des activités cérébrales étaient enregistrées et ensuite, une intelligence artificielle a été utilisée pour comparer les résultats du scanner et celle-ci a réussi à détecter avec une grande précision les activités dans certaines zones du cerveau en fonction de la situation. Bref, à faire la distinction entre ceux qui ont enfreint la loi consciemment et ceux qui ont pris un simple risque sans être sûrs de faire quelque chose d'illégal. Ah, c'est fou, ça. Intéressant. Voilà, c'est tout pour la chronique d'après le crime. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir, merci à toi. On se retrouve demain, hein. Oui, c'est ça, demain au téléphone, la semaine prochaine, en temps normal, en direct. Ah, génial, le 17 avril. Ok, oui. Très hâte. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bonne journée. Alors, de notre côté, bien, je me suis dit qu'avant la fin de l'émission, comme ça, on pourrait peut-être se tenter de laisser juste un petit peu de musique faire partie de notre matin. Alors, on va aller écouter Se voir partir de tendre et au retour, bien, ça sera la conclusion de l'émission. se voir partir de tendre. C'est déjà la fin de l'émission. Oh que oui, mais si jamais vous voulez rester sur les ondes de Cifou 89.1, surtout faites-le parce que Cifou le sexe s'en vient à 9h30. L'émission d'éducation sexuelle. Par la suite, ça va être la sortie de secours est à votre gauche. Rock classique en rediffusion tout au long de l'après-midi. Vous allez pouvoir écouter Rock de Neuron un petit peu plus tard ce soir sur les ondes, oui, de Cifou 89.1 FM. Nous, on se dit à demain matin. Demain, Véronique Mire va être avec nous, mais aussi David Ferron pour le dernier Zone Campus. Tout ça mardi. Et surtout, mesdames, messieurs, bon café. Bye!